Chapitre 2. Ce ne fut qu'un mois plus tard, après des formalités sans nombre, qu'Elsa put enfin examiner au siège du syndicat la valise et le groupe. Celui-ci portait encore les cachets apposés par le chef du service des expéditions. Il était plein de cailloux, de débris de briques et de vieux journaux anglais. Son examen terminé, la jeune femme s'adressa à von Rössler et à Joseph Wiegands. « Comment, entre Amsterdam et Berlin, avez-vous effectué la garde de ce trésor ? » demanda-t-elle. « Nous ne l'avons pas lâché d'une minute, » dit von Rössler. « Jour et nuit, nous avons été là. Quand j'allais déjeuner, Wiegands veilla. Il en fut de même pour le dîner. Il n'alla au wagon-restaurant que lorsque j'en fus revenu. Durant la nuit, la valise me servit d'oreiller. Qui gardait les clés ? Moi. « Et vous ? » demanda Elsa à Wiegands. « N'avez-vous rien remarqué ?»« Rien, madame, » répondit placidement le colosse. Wiegands était un gaillard qui mesurait au moins 6 pieds. « J'ai monté ma garde, comme de coutume, et je vous réponds bien que personne n'a touché à la valise. »« Je vous crois, » dit Elsa. « Voilà une affaire difficile à débrouiller. Je vous remercie, messieurs. »« Je voudrais maintenant voir l'homme qui a préparé le groupe. C'est facile. On le fit venir. » C'était un petit homme au teint grisâtre, à l'air humble et inquiet, qui se nommait Verschot. J'ai préparé le groupe moi-même, devant Monsieur le Président et Monsieur von Rössler. Nous avons vérifié par 2 fois les pierres, les bijoux montés et les pièces anciennes en écrin. Monsieur von Rössler m'a passé les sachets et les écrins un à un. Je les ai placés dans le groupe, maintenus avec des sachets de fibres de bois disposés çà et là. Puis, Monsieur von Rössler a placé le groupe dans la valise. Il en a donné les clés à Wiegands et j'ai emporté la valise dans mon bureau, où, sous les yeux de ces messieurs, j'ai plombé les 2 serrures et les 2 courroies. J'avais aussi cacheté le groupe des 4 cachets de cire rouge réglementaire, sous les yeux de ces messieurs, et je me suis pour cela servi de mon cachet neuf. « Je vous remercie, Monsieur Verschot, » dit gracieusement Elsa. « Tout cela est très net, très précis. »« Très exact, » affirma le président du syndicat. Monsieur Verschot s'en alla. « Que dois-je penser de ces 3 hommes ?» demanda Elsa. « Tous 3 sont d'honnêtes gens. Von Rössler est notre collaborateur intéressé aux affaires depuis 20 ans. Wiegands est à notre service depuis 25 ans. Il a pour nous accompli, seul le plus souvent, des missions importantes, en ce sens qu'il transportait parfois de véritables fortunes. Et jamais nous n'avons eu à lui adresser le plus mince reproche. Il est honnête jusqu'au scrupule, compte ses frais de route à 1 florin près. Quant à Verschot, c'est la probité même. Quand son vieux cachet a disparu il y a 6 mois, plaît-il ? Dit Elsa. Oui, il a perdu ou égaré il y a 6 mois son cachet à cire, un vieux cachet en cuivre, dont il se servait depuis 15 ans qu'il est ici et qui était à demi usé par 1/2 siècle d'emploi. Il en était malade. Nous le lui avons fait refaire, naturellement. Mais croyez-vous que cette vieille bête a tenu à toute force à le payer de sa poche ? Vraiment ? Fit Elsa. « Oui, je vous le dis, honnête jusqu'à la bêtise. C'est toute une histoire pour lui quand il s'agit de réformer un groupe abîmé ou usé. Il apporte à ses utiles, quoique modestes fonctions, une conscience de tous les instants, une attention sans défaut, une vigilance extrême. Jamais d'erreur, jamais d'ennui avec lui. C'est un brave type que nous estimons beaucoup. Incapable d'aller plus haut qu'il n'est parvenu, je vous l'accorde, mais the right man in the right place, là où il est. » Fort bien. Dit Elsa. Puis j'emportais tout cela. Elle désignait la valise et le groupe. Évidemment. Mais Wiegands va vous les porter à votre hôtel. Je préfère les emporter moi-même. Au fait, où habite-t-il votre Wiegands ? À 1 lieue de la ville, environ, à Dimmerburg. Il a trouvé là à se loger à bon marché, comme gardien d'une grande villa. Il a un jardin où il cultive des fleurs, en quantité, car il en a la passion. C'est d'une âme pure, dit Elsa en riant. Rentrée chez elle, Elsa, jusqu'au souper, et ensuite jusqu'à 1 heure avancée de la nuit, examina le contenu du groupe. Papier, gravats, cailloux, gravier, tout y passa. Enfin, elle eut un léger rire, et après s'être soigneusement lavé les mains, elle se coucha et s'endormit aussitôt d'un sommeil d'enfant.